qu'en général, on préfère penser à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, avant de penser à un conseiller en gestion privée. C'est normal. Mais si l'on savait qu'un conseiller en gestion privée est la personne capable de trouver les meilleures solutions pour vous aider à léguer un capital, organiser la transmission de la maison de famille ou la reprise de votre entreprise, on comprendrait très bien que penser à un conseiller en gestion privée, c'est d'abord penser à ses proches. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En couverture du numéro 5 de Détour en histoire actuellement en kiosque, la superbe reine Marie Stuart. Franck Ferrand a choisi de nous en dire plus long sur son compte cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous connaissez ma sympathie très grande pour ce magazine Détour en histoire. Vous allez découvrir aujourd'hui ma fascination pour Marie Stuart, mise en exergue de cette livraison parmi les grandes reines qui ont fait l'histoire. Dominique Roger, rédacteur en chef de la revue, est avec nous, ainsi que notre spécialiste d'histoire britannique, Liliane Crété. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Samuel qui aimerait savoir depuis quand la Loire-Atlantique ne fait plus partie de la Bretagne. Bon, on peut dire que poser la question de cette façon, c'est déjà en partie y répondre. J'en profiterai pour revenir sur les contours historiques de la Bretagne. Pour le moment, c'est en Grande-Bretagne que je vous emmène sur les pas de l'incroyable Marie Stuart. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle était si belle, si libre, si intelligente, un brin naïve tout de même. On peut dire que dès son premier souffle, elle aura été marquée par le destin. Vous savez, il y a comme ça des gens dont la vie paraît avoir été imaginée pour servir de thème à des tragédies ou à de grands films. Eh bien, c'est le cas de Marie Stuart. On connaît le drame de Schiller, le film célèbre avec Catherine Hepburn, entre autres d'ailleurs, parce qu'elle est même aujourd'hui dans des séries télé, etc. Dans cette vie raffinée et cruelle, précieuse et sanglante à la fois, on nage dans un univers à la Shakespeare. C'est tout simplement l'époque qui veut ça. Une époque coincée entre le sublime et l'horreur. Avec Marie, il n'y a pas vraiment d'enfance, en tout cas pas préservée ou banale. On plonge d'emblée au cœur du drame. D'abord, le bébé naît prématuré et l'on craint pendant pas mal de semaines pour sa vie. On ne sait pas si elle va survivre. Et puis ensuite et surtout, la petite Marie vient au monde en décembre 1542, c'est-à-dire au moment même où les Écossais à la bataille de Solwemos ont été battus à plate couture par les Britanniques, par les Anglais, devrais-je dire. Henri VIII d'Angleterre est en position de ravir sa couronne au roi d'Écosse, Jacques V, qui a été laminé par cette défaite et qui s'est retiré dans son palais de Falkland où il va mourir alors que sa petite héritière n'a que 7 jours. Normalement, on aurait dû attendre qu'elle soit majeure pour la couronner. Seulement par ces temps troublés, on se dit que mieux vaut tenir que courir et voilà comment. Le 9 septembre 1543, donc à l'âge de 9 mois, le bébé Marie Stuart est couronnée, alors à l'époque on disait Mary Stuart là-bas bien entendu, est couronnée reine d'Écosse, le couronnement le plus précoce de toute l'histoire. On n'a jamais connu d'autres souverains qui aient été couronnés comme ça dans les langes. Il faut bien préciser, mais je pense que vous l'aurez compris, qu'à cette époque, l'Angleterre et l'Écosse sont des royaumes tout à fait distincts, bien indépendants. Or, depuis 1531, le roi d'Angleterre est chef suprême de l'Église anglicane. Et depuis 1534, cette Église s'est levée, dressée contre l'autorité du pape. Ce qui fait que le conflit national entre couronnes d'Angleterre et d'Écosse se double d'un conflit religieux. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu, avec Liliane Crété. Cette compétition politico-religieuse à l'échelle de l'Europe va avoir toutes sortes de conséquences sur l'existence de Marie Stuart. D'abord, si l'enfance de la souveraine se passe dans un climat de paix, c'est que le roi Henri VIII a renoncé à la conquête brutale de l'Écosse au profit d'une sorte de mise sous tutelle de l'enfant reine. Il projette carrément de lui donner pour époux son propre fils, Édouard, ce qui aurait pour effet évidemment de rattacher sans coup férir à terme la couronne d'Écosse à celle d'Angleterre. seulement 1547, alors que la petite reine n'a toujours que 5 ans, la pauvre chérie, la cour d'Écosse décline l'offre officielle du roi d'Angleterre et lui préfère celle de son allié catholique à la cour d'Écosse. Cet allié, c'est le roi de France. Il faut vous dire que la mère de la petite Marie, qui s'appelle Marie de Guise, est française, elle, évidemment. Et voilà la petite fille qui, en août 48, elle a 6 ans, la voilà qui prend le bateau pour Roscoff, et puis à partir de là, on lui donne une litière qui va, au milieu de tout un cortège, mais inutile de vous dire, va l'amener à Paris. Pendant une dizaine d'années, la petite reine d'Écosse va vivre à la cour du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. Alors évidemment, quand elle arrive, vous imaginez, c'est la petite poupée qu'on adore et qu'on adule. En plus, elle est somptueusement belle, avec d'une blondeur dorée extraordinaire. Elle enchante la cour. Elle est très admirative de celle qui est la conseillère, l'amie, la favorite d'Henri II, c'est Diane de Poitiers, bien entendu. Elle s'entend moins bien avec la reine Catherine, qui lui en voudra, du reste. Et en 1558, on voit cette toute jeune fille épouser le dauphin François, dont elle semble sincèrement éprise. Elle a 16 ans, lui n'en a que 14. C'est vraiment un couple princier et un couple d'héritiers tout à fait jeune, évidemment. Or, et ça, ce sont les hasards de l'histoire, quand je vous parle de destin, dès l'année suivante, Henri II, qui a trouvé Henri II va trouver la mort, vous savez, dans le fameux tournoi des Tournelles que j'ai eu l'occasion de raconter souvent. Et donc, c'est Marie qui se retrouve reine de France. Elle est toujours par ailleurs reine d'Écosse, je me permets de vous le rappeler. Alors malheureusement, le jeune roi François II est atteint d'une mastoïdite. C'est toute l'infection de l'arrière de la mâchoire. Vous savez qu'il va peu à peu gagner l'oreille, bientôt le cerveau. Le jeune époux de Marie trépasse dans des souffrances indescriptibles. Et ça fait qu'après une toute petite année de règne en France, Marie va devoir regagner son Écosse natale. Elle est déjà veuve, vous imaginez, si jeune, elle a 17 ans. On l'appelle la reine blanche parce qu'à l'époque, les reines portent le deuil en grand blanc, n'est-ce pas? On est en 1561, on peut dire qu'à partir de maintenant, la vie de Marie Stuart ne va plus être qu'une sorte de long chemin de croix. C'est une jeune femme qui donc prend conscience des graves problèmes de fond qui minent la société écossaise, à commencer par ce fameux problème religieux, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que pendant son absence, une grande partie du peuple s'est tournée vers le protestantisme, du peuple, mais de la noblesse aussi. Marie fait bonne figure, elle est naïve, je vous l'ai dit, elle essaie de se montrer tolérante, et les premières années de son règne personnel sont assez pacifiques, assez heureuses. Celui qui gouverne de fait, c'est son demi-frère, le comte de Mornay, et on peut dire que à la cour d'Écosse, eh bien, on est en train de renouer avec ce qui a été jadis de grandes heures. La vie de cour, nous dit Guillaume Picon dans Détour en histoire, renaissait enfin en Écosse après les 20 années difficiles où Marie de Guise avait préservé tant bien que mal le pays pour sa fille. Si Marie Stuart réintroduisit la gaieté et les arts à la cour, l'Écosse lui apporta l'exercice physique qu'elle affectionnait, chasser, galoper, comptait parmi les activités indispensables au bon équilibre de la reine, car dès l'adolescence, la reine avait commencé à souffrir de violents troubles gastriques et nerveux qui ont conduit les historiens à la suspecter d'être atteinte de porphyrie, une maladie qui ira en s'aggravant avec les années. Elle est malade, c'est vrai, enfin souvent sujette à des accès de fièvre, notamment cette Marie Stuart, mais dans l'ensemble, elle est encore jeune, elle est belle et sa cour est assez rayonnante. Une chose que j'ai complètement oublié de vous dire, Céline, c'est que c'est un vrai cœur d'artichaut, cette Marie Stuart. Alors, elle a été amoureuse de son mari, ça c'est incontestable, de François II, le petit roi François II de France. Mais maintenant qu'elle est veuve, elle va retomber amoureuse d'un jeune et beau seigneur de sa cour, Lord Henry Darnley. Et ça va être pour son malheur. Elle va l'épouser contre l'avis unanime de tous ses conseillers. C'est un véritable scandale en Europe. Vous imaginez que cette reine puisse épouser ce petit Lord Darnley. Assez vite, du reste, le monsieur va se montrer d'une fatuité, d'une vanité absolument incroyable. Il est aussi très brutal. Et un jour, il ira jusqu'à assassiner sous les yeux de sa femme le secrétaire italien de la reine, hein, David Riccio, qui était son conseiller, qui était un peu son formateur politique, quasiment son mentor, Darnley avait soupçonné Riccio d'être l'amant de son épouse, alors il l'a tué tout simplement. À la cour, et notamment dans l'entourage de Moray, les velléités de Darnley, ses visées sur la couronne, en inquiètent plus d'un. Il faut vous dire qu'il se voit très bien roi consort, lui ça ne le dérange pas du tout. Et tout ça va mener à un attentat assez incroyable, puisque quand on pense qu'on est au XVIe siècle, c'est une explosion, figurez-vous, c'est ce qu'on appelle la tragédie de Kirkofield. Darnley était tombé malade en janvier 1567, il était atteint de variole. Il va s'installer chez le duc de Châtellerault pour sa convalescence. Hein. On est dans la banlieue d'Édimbourg à Kirkofield. Et là, une explosion et fille de Darnley qui va disparaître. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que celui qui est l'âme même du complot, celui qui a mené Darnley à la mort, va devenir l'homme fort. Et il va même faire pire que ça, il va épouser la reine. Quand on raconte ça, on se dit, mais ça ferait un roman extraordinaire. Et d'ailleurs, ça a fait quelques romans extraordinaires, je vous en dirai un mot à la fin de cette émission. Les conspirateurs, nous dit Christophe Picon, firent exploser la maison où le roi malade achevait sa convalescence, donc le Darnley en question. Une fois Darnley assassiné, l'ambitieux Bothwell se fit fort de le remplacer auprès de la reine. Il la viola, la forçant ainsi à l'épouser pour éviter le déshonneur. Il n'empêche, alors ça c'est une des versions, ça fait quand même jaser cette histoire, hein, qu'en troisième mariage, après le roi de France et après, enfin le dauphin de France et après Darnley, Mary en vienne à épouser ce Bothwell, ça choque tout le monde, bien entendu. Pour la reine, cette union scandaleuse, ce mariage inacceptable va marquer le divorce avec la nation écossaise et notamment avec la noblesse d'Écosse qui est devenue à l'époque majoritairement protestante et qui ne veut plus de cette reine catholique. On veut absolument la pousser à l'abdication. Alors comme on peut prouver qu'elle a trempé, en tout cas c'est ce qu'on prétend, qu'elle a trempé dans l'assassinat de Darnley, elle est arrêtée, emprisonnée, elle va être contrainte à abdiquer en faveur de son fils, donc l'enfant que lui avait donné Darnley. Il est tout petit, hein, à l'époque il a à peine plus d'un an. Décidément, ça devient une coutume en Écosse. Voilà un tout petit roi de 13 mois qui monte sur le trône, si je puis dire. Il doit y monter à quatre pattes, disons, sous le nom de Jacques VI d'Écosse. Pour autant, Marie n'a pas dit son dernier mot. Elle va réussir à s'évader, elle reconstitue des troupes, elle réunit quand même 6000 hommes qui vont affronter les troupes du régent à Langside. C'est une véritable débâcle, il faut le dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'avait pas bien préparé son coup en même temps. La reine doit s'enfuir, seulement où fuir? Est-ce qu'elle va retourner en France? Ça veut dire qu'il faudrait qu'elle traverse toutes les terres qui sont fidèles au comte de Moray, son demi-frère. Et lui, il s'est fait entre-temps désigné régent d'Écosse, donc évidemment il ne va pas lui faciliter la tâche. La solution, c'est d'aller vers le sud, vers l'Angleterre, vers sa cousine, la reine Élisabeth Ière, qui l'attend un peu, si je puis dire, et il y a peut-être un peu de téléologie dans ce que je vous dis là, mais on a l'impression qu'Élisabeth l'attend comme une araignée attendrait sa proie au centre de la toile, vous savez. Dans un premier temps, Élisabeth reçoit assez bien la réfugiée, mais très vite, sous prétexte de complicité dans le meurtre de Darnley, Marie est tenue en résidence surveillée. En vérité, pour Élisabeth, sa cousine écossaise est une rivale dangereuse. Ce qu'il faut vous dire, parce que sinon on ne comprendrait pas d'où vient la rivalité, c'est que la grand-mère de Marie est Élisabeth Tudor, la sœur aînée d'Henri VIII, et que donc il y a de très légitimes prétentions au trône d'Angleterre chez Marie Stuart. Donc, Élisabeth va essayer de la rendre le plus inoffensive possible. On la trimballe comme une prisonnière de château en château. Ça va quand même durer 18 ans, cette histoire. On a toujours l'impression que l'exécution de Marie Stuart a suivi de peu son arrestation, comme ça, dans l'imaginaire collectif. En vérité, c'est une très, très, très lente et longue déréliction. C'est une sorte de captivité qui ne dit pas son nom et qui, néanmoins, présente des conditions très dures. Hein, notamment lorsqu'elle est incarcérée à Tutbury. Elle souffre de rhumatisme, la pauvre Marie. Enfin, tout ça est très dur. Je vous passe sur toutes sortes de péripéties et de rebondissements incroyables, dignes, là encore, du roman le plus échevelé. Elle a essayé aussi, il faut vous le dire, de se rapprocher de son fils, Jacques VI. Seulement, c'est pas possible parce que lui, pendant ce temps-là, il est en train de demander la main d'Élisabeth Ier, bien entendu. Donc, c'est pas le moment de se rapprocher de sa mère. Or, dans l'entourage de la Reine Vierge, dans l'entourage d'Élisabeth, certains sont favorables à la suppression physique de cette reine d'Écosse déchue et qu'on traîne comme une sorte de poids mort et dangereux. Parmi ceux qui sont totalement opposés à Marie figure un certain Walsingham. La malchance de Marie, c'est que cet homme-là est en même temps sans doute le plus machiavélique des ministres d'Élisabeth. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Marie Stuart. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ce Walsingham ne va reculer vraiment devant aucun moyen pour faire condamner cette pauvre Marie Stuart qui maintenant donc est prisonnière de sa cousine Élisabeth Ier d'Angleterre. Il va lui tendre un piège, tout simplement. Comme par miracle, en janvier 1586, alors qu'elle est toujours incarcérée, en résidence très forte, disons, à Chartley Hall, Marie Stuart reçoit un paquet de lettres d'un certain Gilbert Gifford, qui en fait est un agent double, et qui a fait admettre son stratagème aux Anglais. En fait, il a recruté parmi tout le groupe de jeunes fervents de la Rose d'Écosse, hein, comme on l'appelait, il a recruté un jeune aventurier qui s'appelle Anthony Babington. Et ce Babington avait formé le projet de libérer Marie, d'assassiner Élisabeth en vue de faciliter une rébellion catholique appuyée par la France et qui serait bien entendu qui aurait l'Écosse pour point de départ. Il ne doute de rien, ce petit Babington. Il a séduit toutes sortes d'adeptes. Or, tout le complot qu'il mène est en fait téléguidé, comme on dirait nous aujourd'hui, par le fameux Gifford, et les Anglais suivent tout point par point parce qu'ils ont un certain Thomas Phillips, qui est un personnage d'ailleurs passionnant, qui mériterait à lui seul une émission, qui a totalement percé le chiffre de la reine, qui donc sait lire toute la correspondance secrète. Et on a décrypté notamment une lettre de Marie où elle se dit prête à céder à Philippe II d'Espagne tous ses droits sur l'Écosse et sur l'Angleterre. On échange entre Babington et Marie des messages de plus en plus précis. Et il est question du meurtre de la reine et le 17 juillet de la reine d'Angleterre, hein, d'Élisabeth, et le 17 juillet 1586, il semblerait que Marie, pour autant que la lettre soit vraie, parce que ça c'est un autre grand sujet, il semblerait que Marie ait accepté ouvertement ce projet. Si c'est vrai, quoi qu'il en soit, elle a signé son arrêt de mort. Babington a réussi dans un premier temps à foncer compagnie à l'officier en civil qui était venu l'arrêter, mais il se retrouvera bientôt sous les verrous le 15 août avec 6 jeunes complices. Alors ils seront, alors les pauvres, ils vont être torturés, émasculés, viscérés, vivants, enfin c'est une horreur. Quant à Marie, évidemment, on va commencer à pouvoir organiser son procès. Pour ça, on lui tend un autre piège. On lui facilite une fausse évasion, si vous voulez. Évidemment, elle est tout de suite arrêtée. Cette fois, elle est inculpée et son procès va avoir lieu au château de Fotheringay. On est dans l'est de l'Angleterre. Elle nie tout en bloc, mais en même temps, elle se montre assez tranquille. La preuve, c'est cette lettre qu'elle envoie à sa cousine Élisabeth. Elle lui dit « Madame, je rends grâce à Dieu de ce qu'il lui plaît de mettre fin au pèlerinage ennuyeux de ma vie. Je ne demande point qu'elle me soit prolongée. Je supplie seulement votre majesté que je puisse tenir de vous et de nul autre les bienfaits qui s'en suivent. » Et là, elle demande trois petites choses, si je puis dire. D'être enterrée en terre de France, d'être exécutée publiquement, ça c'est une façon pour elle de pouvoir mourir dans sa foi catholique, et puis quelques assurances au sujet de ses serviteurs. La réponse de la reine Élisabeth sera, comme toujours, d'une incroyable fermeté, bien entendu. En réponse aux suppliques de la pauvre Marie, Élisabeth renvoie un véritable arrêt de mort. Et alors voilà la réaction de Marie Stuart. Vous imaginez cette femme, après tout ce qu'elle a pu vivre, cette femme qui était reine d'Écosse au berceau avant même d'avoir conscience d'être au monde, cette femme qui est devenue reine de France à l'âge le plus tendre, elle avait même pas 17 ans, cette femme qui est rentrée dans son Écosse dont elle a pensé un temps pouvoir incarner tous les espoirs pendant quand même pendant plusieurs années, et qui, à une époque, était presque en mesure de disputer à sa cousine le trône d'Angleterre lui-même, la voilà qui dit, en apprenant sa condamnation à mort, « Loué soit Dieu, vous me faites un grand bien de me retirer de ce monde, je ne saurais recevoir de meilleures nouvelles parce qu'elle m'annonce la grâce que Dieu m'accorde de mourir pour la gloire de son nom et de son Église. » Eh bien écoutez, on peut penser, on peut dire ce que l'on veut de la pauvre Marie Stuart, mais on ne pourra en rien dire qu'elle aura quitté ce monde sans panache. Alors évidemment, je vous fais grâce du supplice, hein, elle est décapitée à la hache, vous imaginez, le 8 février 1587, dans la grande salle de Fotheringay. Elle est exécutée comme elle l'avait demandé, et c'est la seule petite grâce qu'a bien voulu lui concéder sa cousine devant 300 personnes qui se sont amassées là dans cette salle d'armes du château. On peut dire que, alors qu'elle est encore une quarantenaire pétulante, elle aurait eu évidemment la possibilité de vivre encore de nombreuses années. Marie Stuart vient de rendre l'âme. Je vous parlais pour commencer ce récit de destinée, de fatalité, pour ne pas parler de l'antique fatum. Vous voyez jusqu'où a pu aller le destin de la pauvre reine d'Écosse. Bonjour Liliane Crété. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors évidemment, je n'ai fait moi que survoler à grands traits la vie très mouvementée, tumultueuse de Marie Stuart. Nous allons ensemble revenir sur toutes sortes d'aspects et notamment essayer de comprendre un peu mieux ce qu'était l'Écosse de l'époque, parce que ça c'est un sujet d'actualité à une époque où l'Écosse est en train de réclamer à corps et à cri son indépendance. Nous verrons ce qu'il faut en penser dans un instant. Et puis je suis très heureux de recevoir Dominique Roger, donc le rédacteur en chef de Détour en Histoire, qui nous parlera non seulement de Marie Stuart, mais de toutes ces grandes reines qui font la couverture du magazine. Il y a aussi un dossier spécial sur Viollet-le-Duc, avec une carte qui nous permet d'aller visiter une quarantaine de grands sites Viollet-le-Duc. On parlera de tout ça dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Marie Stuart, avec vos invités Liliane Crété, docteur en civilisation et littérature anglo-américaine, théologienne, auteur des Tudors aux éditions Flammarion, et Dominique Roger, rédacteur en chef du magazine Détour en Histoire, dont le numéro 5 est en kiosque actuellement et nous parle des grandes reines qui font l'histoire. Et oui, et en couverture pour ces grandes reines qui font l'histoire, en couverture, un très beau portrait de la sublime Marie Stuart. Elle était vraiment très belle. Et alors, elle était toujours représentée dans des atours extraordinaires, avec des joyaux à perdre la tête, Liliane Crété. Oui, absolument. Mais je pensais qu'on allait peut-être, pour commencer, faire un petit tour en Écosse. Oui, on va parler de l'Écosse, mais alors disons un mot de cette... Parce que c'est important pour comprendre le destin de Marie Stuart, de rendre compte de ce que c'était. On va aller en Écosse, et d'autant plus que nos auditeurs nous parlent de l'Écosse. Mais un mot de cette apparence extraordinaire qui était la sienne, Dominique Roger. Mais même lorsque elle monte sur le billot pour être décapitée, elle a une tenue d'apparat. Hein, jusqu'au bout, on peut dire. Elle a sous sa robe, elle a une sorte de combinaison rouge, parce qu'elle se disait, en même temps, le sang devra se mêler à ma tenue. Elle était d'une élégance absolument fabuleuse. Et moi, ce que je trouvais absolument fascinant chez cette Marie Stuart, c'est que en début de vie, elle brode, je crois, sur un tissu, une phrase « En ma fin est mon commencement ». Et je trouve que pour un personnage qui a eu une destinée aussi folle, aussi incroyable, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'interpelle beaucoup. Elle est vraiment l'enfant du destin. Vous écrivez en légende d'un des beaux portraits de Marie Stuart qui figure dans Détour en Histoire, vous écrivez que parmi les bijoux de la dot de Catherine de Médicis, on comptait 6 magnifiques sautoirs de perles accompagnés de 25 perles noires. La reine les déposa dans la corbeille de noces de Marie Stuart lorsqu'elle épousa donc le petit dauphin, le futur François II. Quant à Marie Stuart, et quand elle repartit en Écosse, après le décès donc de son mari, elle emporta les perles dans ses bagages. Les somptueux bijoux attisaient la convoitise d'Élisabeth Ier, qui nourrissait une véritable passion pour les perles. Et après l'abdication de Marie Stuart et son emprisonnement en Angleterre, Élisabeth prit de vitesse Catherine de Médicis, qui souhaitait les récupérer. Et elle va racheter au comte de Moray, le régent d'Écosse, les perles qui vont entrer dans les collections de la couronne d'Angleterre et qui, à l'heure où nous parlons, y figurent toujours du reste. Malgré son jeune âge, c'est vrai que la cour de France lui a quand même enseigné et donné envie des très belles choses. L'élégance, la splendeur, l'apparence. Avec, voilà. Les sonnets avec les différents poètes. Et à chaque fois qu'elle se transporte, on dit qu'il y a des attelages qui emmènent les tapisseries, qui emmènent les meubles, etc. Elle est très attachée à ce qui est beau. Alors ça c'est la cour de France, mais évidemment, Marie Stuart, c'est d'abord l'Écosse. Et Brigitte, par exemple, nous dit, je vous écoute avec d'autant plus d'intérêt que je rentre d'un séjour en Écosse. J'ai visité deux lieux de séjour de la reine Marie, le château de Stirling et celui de Holyrood, qui d'ailleurs est actuellement la résidence officielle de la famille royale britannique en Écosse. Un château de Holyrood complètement reconstruit à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, il faut le préciser. Alors, l'Écosse dont nous parlons, Liliane Crété, c'est pas du tout l'Écosse d'aujourd'hui, finalement. Non, absolument. Ce n'était pas un Royaume-Uni, d'abord. Ça, c'est très important. L'Écosse était coupée en deux, avec deux langues et deux cultures différentes. Il y avait les Highlands, où on ne parlait que le gaélique. Et encore, des dialectes, quelquefois. Et puis, vous aviez le sud, où l'on parlait anglais, où il y avait plutôt une culture anglaise. Et à la cour, on parlait français. Et il n'y avait pas d'unité, comme on pourrait trouver à l'époque, en Angleterre ou en France. Donc, la population était séparée en clans. Il y avait le chef du clan et les gens qui l'entouraient, qui portaient tous le même nom et qui étaient, devaient avoir hommage à ce chef de clan. Un système un peu féodal, disons-le. Ah, tout à fait. Hein, c'est ça, tout en fait, à fait, contre des services qu'il rendait. Donc, un pays qui n'est pas rattaché à l'époque à l'Angleterre du tout. Hein. Qui est bien nettement séparé. Oui. C'est le mur d'Adrien qui fait la frontière. Ah oui, je sais pas si vous y avez été, on le voit pas du tout. Hein. Il est beau comme ça. on a beaucoup de mal à trouver le mur d'Adrien. En tout cas, il y a bien séparation nette entre l'Écosse et l'Angleterre, même si l'Angleterre, bien entendu, a des visées très fortes sur l'Écosse. Oui. Ne serait-ce que parce que c'est un pays catholique qui peut servir de tête de pont aux puissances continentales que sont la France et l'Espagne. C'était le grand danger pour quand on voit toutes les dépêches et toutes les lettres des conseillers, on a beaucoup de documentation là-dessus, c'était toujours ils avaient une peur bleue de voir l'Écosse tomber ou dans les mains des Espagnols ou dans les mains des Français, et plutôt des Français, parce que la cour était très francisée, d'abord par Marie de Guise, qui était pas française, bon, elle était une Lorraine, mais enfin bon, c'était la culture française quand même, et ça montrait un danger. Et d'ailleurs, je vais vous donner une petite anecdote, c'est que le nom de, vous avez peut-être remarqué tout ce qu'on dit, Marie Stuart, S-T-U-A-R. Eh bien, c'est parce qu'on avait francisé son nom, était Stuart, S-T-E-W. Au départ, c'était Stuart. Oui, c'est ça. Et quand elle est arrivée en France, elle a écrit Stuart. Voilà, en fait. Et c'est devenu comme ça. James était aussi un Stuart avec un U. Et maintenant, c'est ça. Oui, par la suite, tous ses descendants ont continué à s'appeler Stuart UART, en fait. Voilà. Et alors, quand le protestantisme est arrivé en Écosse, mettons les années 1550, où il a commencé un peu à pénétrer, dans les Highlands, les lords, on disait les lairds d'ailleurs, se sont tout de suite intéressés au protestantisme. Et justement, ce côté indépendant qu'ils avaient marchait très bien avec quelque chose qui n'était pas avec Rome à un bout. Là, ils étaient vraiment indépendants avec leur église. Et c'est très important pour comprendre pourquoi c'est dans les Highlands que le protestantisme a pénétré. Avec un personnage... À John Knox, Knox, je le dis pour nos auditeurs. De John Knox, je dis ça s'écrit Knox, et c'est un personnage terrible. Ah oui. Alors il avait rencontré Calvin, et d'ailleurs la confession de foi écossaise est calquée sur la confession de foi calviniste. Oui. En fait, on a parlé ensemble de Calvin il y a quelques semaines. Vrai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est inspiré de Calvin. Tout c'est à un fait. Peu le, c'est un peu le Calvin écossais, si j'ose c'est dire. C'est ça, avec une personnalité différente. Il était très maladroit, ce qui n'était pas Calvin. Et alors, il s'était mis à dos Elisabeth en premier. Mais il a été... C'est très curieux d'ailleurs, c'est que quand elle est rentrée en Écosse, Mary n'était pas du tout, Mary Stuart pour le prononcer à la française, n'était pas du tout une femme, comment dirais-je, d'abord elle n'était pas autoritaire, et en plus de ça, elle était religieuse, catholique sans être fanatique. Et voilà. Donc elle a su très bien se faire accepter par les lords écossais protestants. Elle était certes... Sa cour était, on peut dire, protestante. C'est ça. Et d'ailleurs, le petit James a été baptisé protestant. Elle-même était de la famille des Guises, hein, oui. Donc dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'étaient pas tendres avec absolument. Les protestants. Ils seront bientôt les fondateurs de la Ligue, etc. Mais néanmoins, elle avait à la cour de France appris cette forme de tolérance et de recul par rapport à la religion, car on peut pas dire que la cour de Paris ait été particulièrement religieuse. Le raffinement aussi. Elle a dû souffrir en Écosse. Eh oui. D'avoir... Quand elle est revenue et qu'elle a trouvé tout ça. Ah oui, elle a dû certainement souffrir parce que le confort écossais n'avait rien à voir, ni le raffinement, avec la cour d'Angleterre, par exemple. En Angleterre, la cour était quand même très raffinée, ce que n'était pas du tout le cas. Je vous dis, c'était des clans. Vous avez parlé de médiévaux, mais c'est ça, le seigneur et les autres. Alors, elle avait été très vite extirpée de ce monde féodal écossais pour connaître les splendeurs de la cour de France. Ce qui est intéressant, et ça c'est le chapitre que je connais le mieux, moi évidemment, de sa vie, puisque là on est à la cour de France, donc j'allais dire on entre dans mon domaine. Elle a été un personnage important dans cette cour de France, il ne faut pas l'oublier. Alors complètement manipulée, hein, c'est comme une petite marionnette que les uns et les autres utilisent à bon ou mauvais escient. Mais en tout cas, elle a été le point de mire de cette cour quasiment depuis son arrivée jusqu'à la mort de son mari, le roi François II, le tout jeune roi François II. Elle était, en tout cas ses oncles Guise et Lorraine auraient bien voulu en faire leur instrument, mais en même temps, elle savait montrer une certaine indépendance. La reine Catherine, elle, ne l'aimait pas. Ouh, et notamment, on raconte cette anecdote, alors est-elle vraie, il faut toujours se méfier de Brantôme notamment, mais oui. On raconte cette anecdote terrible au moment du deuil de Catherine, lorsque le roi Henri II finit par mourir après cette atroce agonie hein, qui dure des jours et des nuits après ce tournoi. Il avait une lance de tournoi qui lui avait traversé le crâne. Enfin, c'était absolument horrible. Il a mis plusieurs jours à mourir. Et au moment où il meurt, au moment de sortir de la chambre à coucher, Marie, qui maintenant est reine de France, évidemment, à l'instant même où son beau-père est mort, elle devient reine de France, Marie va passer devant Catherine. Et il semblerait que Catherine ne lui ait jamais pardonné cette espèce de caractère un peu impérieux. Il y avait autre chose entre Catherine et elle, c'est qu'elle, d'après Brantôme et autres, hein, parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais est-ce que tout ce que l'on raconte des gens de l'époque, c'est pas parce que c'est de l'époque que c'est vrai. Alors, elle espionnait Catherine pour en parler avec le roi. Donc Catherine se sentait surveillée et en plus méprisée parce que Marie Tudor c'était une famille qui n'avait rien à voir avec les Médicis et Catherine, la pauvre Catherine était traitée par elle de marchande florentine et elle s'en gênait pas. Je crois qu'elle était un peu une petite peste. Oui, voilà. Adulée. C'était une enfant gâtée et une petite peste, hein, ça je crois qu'on peut le dire clairement. Je crois que ça l'a desservie pour le reste de la vie. Et alors elle croyait que tout était si facile, évidemment elle l'avait toujours eu très facilement, et d'un seul coup la voilà qui rentre en Écosse, Dominique Roger, et qui se retrouve dans cette espèce de cour, j'allais dire tout juste sortie du Moyen-Âge, n'exagérons rien, mais enfin on n'en est pas loin quand même, ça a dû être rude ça pour elle. Je pense que la transition a dû être assez difficile entre les raffinements de la cour de France, les contacts qu'elle avait avec les différents poètes, elle-même écrivait de très beaux sonnets, et oui. Et elle se retrouve, j'allais dire, excusez-moi Liliane, mais... face à des barbares quasiment, presque, en tout cas des guerriers. Mais oui. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup Marie, je l'aime beaucoup parce que elle fait tout précocement, à son insu évidemment, et puis elle va se révéler femme. Alors justement, voilà, elle va se révéler femme, elle va, à une époque où ça n'était pas du tout de coutume, elle va imposer ses choix amoureux, elle va avoir tous ses maris plus étonnants les uns que les autres, nous y venons dans un instant. Europe 1, cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Samuel. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il aimerait savoir depuis quand la Loire-Atlantique ne fait plus partie de la Bretagne. Vous imaginez bien, Céline, qu'en cette période tendue de redécoupage territorial, l'appartenance de la Loire-Atlantique à la Bretagne est un sujet pour le moins sensible. La Bretagne actuelle, ce sont 4 départements, hein, Côte d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan, bien entendu. Mais la Bretagne historique incluait également l'équivalent de notre Loire-Atlantique actuelle. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la Bretagne, sur son rattachement à la France. C'est un petit peu la même histoire que celle du rattachement de l'Écosse à l'Angleterre, d'ailleurs. En 1532, c'est le roi François Ier qui édicte des édits, qui promulgue des édits officialisant cette union de la Bretagne à la France, après la mort de sa propre épouse Claude de France. Tout en reconnaissant les privilèges, notamment fiscaux et réglementaires de la Bretagne. On en a parlé il y a peu de temps. Avant la fin du XVIIIe siècle, la Bretagne était composée de 9 pays historiques. Cornouailles, Léon, Trégor, Vannetais, Pays de Dol, Pays de Saint-Brieuc, Pays de Saint-Malo, Pays Nantais et Pays Rennais. Alors après, il y a les 5 départements de 1790, hein, Côte du Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire inférieure et Morbihan. Et en 56, sous le gouvernement d'Edgar Faure, quand on va créer les régions de programme, vous savez, eh bien, on sépare cette Loire inférieure, devenue Loire Atlantique, de la Bretagne, pour la rattacher au Pays de Loire. Depuis, ça continue de faire débat. À mon avis, le débat est loin d'être terminé. Bonjour Elena Mornam. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors Franck, on va parler un petit peu de nous deux aujourd'hui dans l'émission. Le thème c'est l'amour et le travail ou l'amour au travail. Romance en bonjour boulot, la discrétion. Couple associé ou concurrent dans la même entreprise. Amour et business font-ils bon ménage? Les réponses des experts, vos questions, vos témoignages au 3921 ou sur europe1.fr. Vous pouvez prendre un pseudo Franck. Que voulez-vous, elle est incorrigible. Merci quand même Elena et à demain Céline. À demain Franck. Parlez cet après-midi Franck Ferrand de Marie Stuart dans Cœur de l'Histoire avec vos invités, Liliane Crété, docteur en civilisation et littérature anglo-américaine, et Dominique Roger, rédacteur en chef du magazine Détour en Histoire. Alors, on parlait, Dominique Roger, de ces espèces de penchants de cœur de Marie Stuart. Et il faut dire que lorsqu'elle arrive dans cette cour un peu difficile d'Écosse, elle se retrouve sous la coupe d'abord de son demi-frère. Elle a ce conseiller Riccio qui joue un rôle très important auprès d'elle. Et puis, il y a tous les jeunes seigneurs qui voudraient l'épouser, puisque c'est la plus jolie et la plus fastueuse veuve d'Europe. Bien sûr, elle est sûrement extrêmement courtisée, mais elle ne peut pas non plus rogner son rang. Elle ne peut aller qu'avec des personnages de son rang. Et donc, Lord Darnley est quand même quelqu'un de fréquentable. Ça va s'avérer, en tout cas, elle le disait, elle était amoureuse, elle a sûrement passé des jours heureux, mais à un moment donné, elle dit que son cœur était molle comme cire. C'est-à-dire qu'il manquait sûrement de tempérament, il avait une colonne vertébrale un petit peu trop molle pour elle. Et c'est vrai que ça va vite tourner, j'allais dire, si j'ose dire, en autre boudin, son histoire d'amour avec Darnley. Ah oui, ça se passe vraiment mal. Comment expliquer qu'elle ait épousé Lord Darnley? Parce qu'elle suivait son cœur. C'est une romantique avant l'heure. C'est une romantique et elle était tombée follement amoureuse de lui, point. Elle était très jeune. Il était très plus jeune qu'elle. Il était très beau. C'était une calamité. Et alors, la reine anglaise, donc Elisabeth, s'est rendue compte que c'était une catastrophe. Et elle aurait bien voulu qu'il épouse son chéri. Et alors, comme il n'était pas très présentable, on l'avait fait anobli, Lord Lesner, c'est comme ça. Mm-hmm. Mais alors, elle aurait bien voulu qu'il se marie avec un Anglais pour justement un peu accrocher. Oui, c'est cette obsession des Anglais qui veulent systématiquement faire rentrer l'Écosse dans le Royaume-Uni. Quoi, donc, Do Robin, comme elle le disait toujours en parlant de lui, elle était prête à le donner à... qui n'en a pas voulu, d'abord parce que justement, elle avait une telle idée de la hauteur de où elle était, donc de reine d'Écosse et de France, elle le disait toujours, qu'elle ne voulait pas d'un Leicester. Alors, donc, elle a épousé, c'était un cousin. Il était Stuart aussi. Oui, il était Stuart et c'était son nom de famille. Il va donc, un peu plus tard, être assassiné dans cette espèce de complot incroyable. On fait sauter la ferme, hein, carrément, le manoir où il se trouve. C'est-à-dire qu'avant, il a été assassiné, là, par le premier mari d'Henri a été assassiné dans la chambre. Il l'a. Il y a eu un complot. Bon, voilà, la reine, c'est tellement compliqué. La reine s'est peu à peu détachée de lui parce qu'il était ivrogne, brutal et tout ce qu'on veut. Donc, elle s'est rapprochée d'un musicien qu'elle avait fait venir à la cour, qui lui a conseillé aussi, qui s'appelait Rizzio, qui était un Italien. Et elle ne le quittait plus, si bien que Darnley Foudrage a organisé... Il va faire tuer Rizzio. Oui, il va organiser l'assassinat et ça sera passé dans la chambre de la pauvre Mary Stuart, enceinte en plus. Et parmi, c'est ça qui, l'affaire est très trouble, c'est que parmi ceux qui ont procédé à cet assassinat, dans les seigneurs qui ont accompagné, il y avait son second mari. Oui, mais qui, entre-temps, va faire tuer Darnley. Donc, voilà, c'est ça le plus extraordinaire. Exactement, qui va faire tuer. C'était un fidèle de Catherine, en réalité. Et alors, là, il l'a, en somme, vengée, parce qu'elle a été menacée. Et ça, toutes les chroniques le disent. Elle a été menacée elle-même. On lui a mis un revolver, je ne dirais pas sur la tempe. Enfin, un revolver, hein, mon mot est un peu trop... une arme sur le devant elle, on lui dit... Elle a eu très peur. Alors, qui va mettre de l'ordre, finalement? Parce que Bothwell, le fameux Bothwell, hein, qui a été donc son complice. Oui, Bothwell a mis de l'ordre au point de vue politique. Alors, Bothwell faisait partie des fidèles de Mary. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, elle est retombée amoureuse. Alors, l'histoire du viol, hein, je suis désolée, mais alors là, vraiment, personne n'y croit. Hein. Elle était amoureuse. Bon, elle a le droit. Encore une fois. Encore une fois. Elle a mal choisi. Et alors, dans la biographie de Stefan Zweig, il parle de ce viol de ce Bothwell qui l'aurait forcé. Il le dépeint comme une brute, de toute façon, qui prend les femmes comme un butin. Oui, mais non, je crois que c'est complètement faux. Ça fait partie de la légende. Il était intelligent, mais il a été aussi catastrophique, si vous C'est-à-dire voulez. C'est-à-dire qu'elle est déjà tellement extraordinaire en soi qu'on a presque envie de dire n'en rajoutons pas, finalement. Alors, voilà, elle va finalement être destituée, elle se sauve, elle se réfugie dans les bras de sa pire ennemie qui, bien sûr, en profite pour la faire assez vite arrêter. Comment s'est passée cette très longue captivité de forteresse en forteresse, 18 années dans les rets de la reine d'Angleterre, Elisabeth? Ne croyez pas que c'était une prison. Hein. Elle était emprisonnée, c'était elle pouvait pas sortir. C'était des résidences surveillées. Voilà, exactement. Elle avait, je ne sais pas combien de domestiques. Oui, bien sûr, une soixantaine. Voilà, une soixantaine, voyez. Et bon, mais enfin, c'était quand même... Elle emprisonnée. C'est quand même quelque chose de terrible. Elle n'était pas libre de ses mouvements. Ah, du tout. Mais elle était libre d'écrire. Et elle a beaucoup trop écrit. Mais oui, n'est-ce pas? Elle complotait, elle écrivait. Et elle était malheureusement, et comme vous le disiez tout à l'heure, le fameux Walsingham, qui était en fait chef du service secret, de la reine. Cabinet noir d'Elisabeth. Oui, il avait toute une organisation pour prendre les lettres, les décrypter et les renvoyer. Donc il était au courant de tout. Alors Elisabeth a une position très... très difficile à suivre, parce que tout en ayant finalement accepté qu'elle soit exécutée, à peine exécutée, elle a envoyé une lettre pour dire qu'elle ne voulait pas. Mais ça, c'était typique d'Elisabeth. La lettre n'est jamais arrivée, ou arrive en retard plutôt, et alors on se pose toujours la question, est-ce qu'elle a volontairement fait que la lettre arrive en retard, ou est-ce que c'est William Cecil qui était lui force qui a bloqué la grâce, qui a bloqué la lettre pour qu'elle arrive trop tard. En tout cas, jusqu'au bout, ça aura été une très belle histoire. Alors il n'y a pas que l'histoire de Marie Stuart dans ce numéro de Détour en Histoire, Dominique Roger. Vous nous parlez de toutes les grandes reines romanesques, de toutes les grandes personnalités féminines romanesques, Aliénor d'Aquitaine, Isabelle la Catholique, Anne de Bretagne dont je parlais récemment, Catherine de Médicis qu'on a entreaperçu dans cette histoire, et quelques autres d'ailleurs, hein, Élisabeth d'Autriche et Marie-Antoinette, etc. Que de destinées extraordinaires, souvent tragiques quand même. Oui, on a un cortège royal de reines qui sont toutes quand même qui ont eu un destin très sombre. Ça n'a pas été très très facile. Peut-être que l'exercice du pouvoir par les femmes est toujours sous le sceau d'un destin un peu funèbre. Le fameux deuil éclatant du bonheur, d'une certaine manière. Que disait Madame de Staël. Madame de Staël disait ça. Oui. C'est ça en fait. Oui. Oui. Alors il y a comme toujours dans Détour en Histoire toutes sortes de chroniques. J'ai mes propres pages. En l'occurrence, on fait une petite promenade au milieu des grandes dames de la Loire. Vous nous accompagnez à chaque fois. Et puis vous avez consacré un dossier ça c'est passionnant, à Viollet-le-Duc avec une carte qui va avec. Voilà, alors Viollet-le-Duc, on l'aime plus, on le reprend, on le laisse, c'est assez fluctuant, mais ce personnage était absolument lui aussi fascinant, il savait tout faire. Et quand on voit la fameuse carte, on réalise l'ampleur de toutes ces réalisations à travers la France. En travers la France plus certains pays d'Europe, on dit qu'il aurait participé très activement à une bonne centaine de chantiers de restauration. Donc nous avons mis les principaux, les plus emblématiques, que ça soit la basilique de Vézelay, que ça soit Notre-Dame, Carcassonne, etc. Et en fin de parcours, en fin du dossier, quelque chose d'un tout petit peu moins connu, après s'être attaqué, j'allais dire, au bâti, à l'architecture pure et dure, il était tombé amoureux de milieu montagnard, de la montagne. D'ailleurs, c'est un très bon alpiniste, il a eu un accident très grave, et il s'était dit, mais les Alpes, si je pouvais y mettre mon empreinte, si je pouvais repaysager les Alpes, ça serait pas mal. Et donc, il a commencé à faire des carnets de croquis, à faire des courses en montagne. Et ça n'a jamais été plus loin qu'un doux rêve, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup Dominique Roger. Le numéro 5 de Détour en histoire est donc en ce moment dans les kiosques avec notamment Marie Stuart en couverture. Merci beaucoup Liliane Crété de nous avoir fait partager votre passion pour cette histoire britannique, disons en l'occurrence plus écossaise qu'anglaise. Vous êtes d'origine écossaise, vous, absolument, ça tombe bien. Et je rappelle chez Flammarion le titre d'un de vos derniers ouvrages qui s'appelle tout simplement « Les Tudors ». Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Samuel. Il aimerait savoir depuis quand la Loire-Atlantique ne fait plus partie de la Bretagne.